Natacha. Depuis que j'ai quitté Paris, je pense beaucoup à toi. Et le soir, quand je m'endors dans le noir, je vois ton visage. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne, ma tendre, ma mignonne, ma Natacha, moi. Bien sûr, on ne s'est pas toujours bien compris, et les malentendus ont eu raison de nous. Alors, je prends la route, je m'en vais si loin, mais pas pour oublier ces moments inouïs que j'ai passés avec toi. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne, ma tendre, ma mignonne, ma Natacha à moi. Bien sûr, on aurait pu faire durer les choses, mais si t'étais un peu artificiel, et puis tu sais, ça nous aurait mené à des situations que des personnes subtiles et délicates comme toi et moi ont toujours su et voulu éviter. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne, ma tendre, ma mignonne, ma Natacha à moi. Je n'oublierai jamais quand tu chantais le soir dans le salon d'hiver au milieu des miroirs, ta voix qui résonnait dans toute la maison, mais surtout dans mon cœur. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne, ma tendre, ma mignonne, ma Natacha à moi. Natacha, je reste attaché à ta douce personne, ma tendre, ma mignonne, ma Natacha à moi. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne, ma Natacha à moi.